Je suis lié au rap, c'est plus qu'une histoire d'amour. Tu veux me tester mon ami, je vais t'emmener faire un tour de l'autre côté de la barrière. Arrête-moi si tu peux, les grandes gueules la ferment. Maintenant c'est du sauf qui peut. Mes mélanges rime flow assonance deviennent mythiques. Mon couplet prend forme d'aile, mais pourquoi tu paniques? Tes yeux brillent, tu kiffes, ça scintille, c'est chaud. Ton seul objectif, mon niveau, faudra te lever tôt. Vas-y fais péter la cloche, c'est l'heure du jugement final. Je t'ai écouté, t'as rappé, pour moi c'est trop banal. Accroche-toi, je suis trop loin, débarque à 10 ou à 20. Le mic est ma seule arme, elle peut rasser mon terrain. Mais je te sens mal à l'aise, y'a ma bouche qui dépite. Écoute bien, rest in peace, ça fera partie de mes hits. 16 mesures, t'en peux plus, je suis là pour l'All-Star Game. Je finirai MVP, pour être vulgaire, je te ken. Dès que je rentre dans une cabine, ça sent le sapin. On souffle mortel d'atteinte, ton rap qu'atteint. Ne connaîtra pas de nouveau matin. Mais real rap, pas baquin, texte meurtrière. Attaque, c'est l'heure de prier. Mais t'as tellement peur de griller que t'en perds ton latin. Un douzé c'est plié, j't'ai mis le grappin dessus. Tu peux crier, mais c'est la fin. Un wakfu, le nettoyage, c'est mon actu. Maintenant t'es au parfum. Alpha, mi ça tue. Et pars pour un endroit sans adresse. Bien plus flippant que ta tête, j't'expédie direct chez le grand Hades. Plus sûr et dans les temps de FedEx. Wak, ton nouveau bailleur, c'est Joe Black et tes vex. Récupé les cadavres, livre ave, te fais ma cape. Pas de place pour que l'on des wak sur les plaques de Max Craft. Traître et démon brave, mes craintes. Ton bar, ton rap, ton mort, nos graves. Nous on fait corps avec le son des caves. Wack MC, nos écrits puent le talent sans ameuter les squats. J'ai trouvé prudemment ton crépute maintenant. On kiffe jusqu'à mon suce et le wap. Quand se prennent des revers, ceux qui veulent lever le voile. J'insère main de verre, sincère, belle escorte. Fais autour de yen, de verre, de squat. Tu seras bien excité, oui. Pour être sur ton corps cool. Même sous les têtes roules avec la mort au coude. Tout bas, mon crew clame. Hourra. Pas de long discours, courtois, la veuf court. Pour toi, plus hausse que d'huile sous Damoclès. Place en baisse et pas noblesse quand on dit qu'on va te molester. À base de pieux dans la face. Même les wak, les pupeux s'embarrassent. Je schlasse, collasse des assagas, ça masse à la, c'est froid, c'est garci, mac, les plus classe. Tu feras jamais surface. Mais quand t'as cramé sur place, c'est clair, mes punaises et plus tard, et d'ablé, son pari délibéré de courasse. Ravale tes saltes et tu casses. La tête à un plus de saf. Ma canard des chapeaux, accès délabré, j'ai pas blé pour caver le câble et du paf. Tu mets les cadavres, livre ave, te paie ma cape. Pas de place pour que l'on déboîte sur les plaques de Max Craft. Traître et démon brave, mes craintes, ton bar, ton rap, ton mort, nous gave. Nous on fait corps avec le son des caves. Wack MC. Ok, tu veux test, j'ai trop le mort pour toi. Dealer de pur texte et de putain de prod pour toi si ça te parle. Vas-y, fais péter les watts, pas de prétention pour rien. C'est juste un putain de flow qui déboîte. C'est juste un MC de plus qui essaie de faire son trou. Un MC de plus, supporteur de son crew. Quand je rappe, j'y mets les tripes et tu le sens. Un Tyson sur l'instru de mes chaos sans faire couler de sang. Suffit d'un sample grillé, d'un 16 à la hauteur pour briller. Pour que les focus se mettent à briller, que la foule se mette à crier en scandant le nom de ma team. Ça vient d'en bas, des gars qui rappent au fond de l'abîme. Au nom de la rime, je ferai pas de détails. T'es pas de taille, joue pas les Jedi car t'es déjà taille. Retiens nos places et ce morceau comme un départ de feu. Parce que ta scène hip hop, on embrasse. Tu mets les cadavres, livre ave, te paie ma cape. Pas de place pour que l'on déboîte sur les plaques de Max Craft. Traître et démon brave, mes craintes, ton bar. Ton rap, ton mort, nous gave. Nous on fait corps avec le son des caves. Tu mets les cadavres, livre ave, te paie ma cape. Pas de place pour que